Ouais, je suis à fond dans ce morceau en ce moment. Je trouve joli. Attends, j'ai pas de. FX. VST. Pas mal le morceau tout à l'heure, la fille là, Dirty. Comment s'appelait la fille là? Thank you. Fort, non ? C'est un truc que j'avais composé une fois.